Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse et roule bord sur bord. Il tanguit sur la lance. Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins. Les vagues souples m'ont appris d'autres cadences plus belles que le rythme là des chants humains. À vivre parmi vous, hélas, avec j'ai souffert sur vous tout continent. Je n'ai vu que la mer, je n'ai vu que le vent pour me bercer comme un enfant au cri de l'âme. Hors du port, plus qu'une image effacée, les larmes du départ ne brûlent plus mes yeux. Je ne me souviens pas de mes derniers adieux. See.